En Corée du Sud, des organisations publiques à Daejeon, y compris la Force des masses populaires, ont tenu le 12 un meeting de mercredi réclamant la solution du problème de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise, apprend-on du journal internet sud-coréen Tongil News. Les orateurs ont condamné que le gouvernement japonais nie le crime d'esclavage sexuel, bien que le crime soit révélé au public.